Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radioactive en compagnie de Lilian et on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode de Mélodie du Temps. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire d'une chanson qui fait partie de l'ADN même de la musique française, La vie en rose d'Édith Piaf. Une chanson qui, depuis sa création en 1945, est devenue un hymne à l'amour et à la poésie. Une chanson dont le seul titre évoque un monde enchanteur, une vision colorée de la vie portée par une voix exceptionnelle. Édith Piaf, née en 1915 à Paris. Elle est une figure centrale de la chanson française, mais avant de devenir la légende que nous connaissons, Piaf, ou la môme Piaf, était une jeune femme qui chantait dans les rues de Paris pour survivre. Dans les années 40, sa carrière décolle, grâce à des rencontres décisives. Et c'est en 1945, à un moment clé de sa vie, qu'elle va donner naissance à l'une de ses chansons les plus célèbres, La vie en rose. La chanson est composée par Louis Guglielmi, un compositeur et arrangeur, et elle est écrite par Édith Piaf elle-même. À l'époque, Piaf vit une histoire d'amour passionnée avec le boxeur Marcel Cerdan. Ce dernier est l'homme qui, selon elle, incarne l'idéal amoureux, l'amour pur et sans faille. C'est ce qu'elle met dans ces quelques mots, dans cette déclaration d'amour à la fois simple et universelle. Ah, je suis toujours amoureuse, je ne connais pas de moment où je ne suis pas. Je pense que quand on se moque de l'amour, on n'est pas grand-chose dans la vie. Ceux qui sont dégoûtés de l'amour parce qu'ils ont eu des déceptions, ce n'étaient pas des vrais amoureux. Il n'y a pas de joie comparable à celle que peut apporter l'amour. Non, je ne pense pas, parce que même si on a un travail qui vous passionne, si on n'a personne à qui l'offrir, ce travail, je pense qu'il devient inutile. L'un ne va pas sans l'autre. Quoi. Ce n'est donc pas étonnant que cette chanson soit un cri du cœur, un hymne à l'amour absolu, à cette vision idéalisée de la vie lorsqu'on est amoureux. Piaf, à travers sa voix, met ses propres émotions en musique. Mais qu'est-ce qui rend cette chanson aussi unique et intemporelle ? La clé de La vie en rose réside dans son mélange subtil de simplicité et de profondeur. Si les paroles peuvent sembler très simples au premier abord, elles résonnent profondément chez l'auditeur. Piaf parle de voir la vie en rose, une expression qui signifie vivre dans un état de bonheur et de rêve, où tout semble parfait grâce à l'amour. Elle ne parle pas seulement d'un amour physique, mais d'un amour qui transforme la perception du monde autour de soi. Le rythme de la chanson est lent, presque langoureux. L'accompagnement musical, avec ses arrangements orchestraux sublimes, soutient cette ambiance rêveuse. La voix de Piaf, quant à elle, est émotive, chargée de la fragilité et de la force d'une femme amoureuse. C'est un mariage parfait entre la mélodie et les paroles. Mais surtout, ce qui est fascinant, c'est l'impact mondial que cette chanson a eu. Louis Armstrong, le célèbre trompettiste américain, en fera une version en anglais en 1950, avec sa voix rauque et son interprétation pleine de chaleur. Armstrong donne une nouvelle dimension à la chanson. Cette version anglophone contribue à faire connaître La vie en rose au-delà des frontières françaises. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, this is La vie en rose. Au fil des années, La vie en rose sera reprise par de nombreux artistes, de Frank Sinatra à Lady Gaga, chacun y apportant sa touche personnelle. Mais peu d'interprétations ont la force émotionnelle de l'original de Édith Piaf. En fait, beaucoup d'artistes soulignent que chanter La vie en rose est un défi, car il faut non seulement maîtriser la musique, mais aussi incarner cette émotion brute, cette vision du monde colorée par l'amour. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en... Et c'est ça la magie de Piaf, c'est sa capacité à transmettre des émotions profondes, universelles, par le biais de la musique. Piaf n'était pas seulement une chanteuse, elle était une poétesse qui vivait intensément tout ce qu'elle chantait. Son engagement, sa passion et sa vulnérabilité sont palpables dans chaque mot de cette chanson. Et aujourd'hui encore, La vie en rose continue de vivre. Non seulement dans les mémoires, mais aussi dans les moments les plus précieux de nos vies. À chaque écoute, elle nous transporte, elle nous fait rêver et elle nous rappelle que l'amour, même dans ses formes les plus simples, peut rendre le monde plus beau. Tout de suite, La vie en rose d'Édith Piaf. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel